Car avec moi tu veux tout accomplir. Ceux qui veulent prendre ma place n'ont aucune chance. Car j'ai fait de ton cœur mon prisonnier. Entre nous tout est parfait. Nos deux cœurs ne font plus qu'un. Malgré ça tu veux encore plus. Je t'ai donné mon cœur et tout ce que j'avais. Mais dis-moi ce que tu veux que je te donne en plus mon bébé. Tu en attends trop de moi, tout ça faut l'oser. Les autres femmes, je les ai toutes effacées. Je les ai mis sur le côté, c'est toi ma priorité. Je sais pas quelle mouche t'a piqué pour tu sois dans l'excès. Déjà mes rassasés, moi je suis fatigué. Fatigué de devoir te supporter. Je t'ai donné mon cœur et tout ce que j'avais. Mais dis-moi ce que tu veux, je te donne en plus mon bébé. Tu en attends trop de moi, tout ça faut l'oser. Quand on lui reproche sa longueur de journée, elle se plaint de ne pas avoir ce qu'elle désire. Pourtant je lui ai tout donné. Elle va trébucher. Elle va trébucher. Elle va trébucher. Elle va trébucher. Je t'ai donné mon cœur et tout ce que j'avais. Mais dis-moi ce que tu veux, je te donne en plus.